Y a dans ma maison quelqu'un dont je me méfie, qui me défie, qui s'assied à ma place, qui me ressemble comme un frère, qui respire mon air. Les mis dans la glace, mon regard me glace, souris mais je le connais bien. L'ennemi dans la glace, ton regard me glace, il me veut pas que du bien. Il y a chez moi un hôte indésirable, insaisissable, qui vit sous mon toit, qui dort dans mon lit, qui jamais ne m'oublie. L'ennemi dans la glace, ton regard me glace, il sourit mais je le connais. L'ennemi dans la glace, ton regard me glace, il me laissera pas en paix. Dehors je croise des étrangers, des ombres qui marchent dans le. Ce n'est pas d'eux que vient le danger, mais je reconnais chaque soir mon pire ennemi dans ce miroir. Souviens de l'homme que j'étais, mais un traître l'a fait disparaître. Et moi qui suis-je, chasseur ou chassé, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi dans la glace, ton regard me glace, souris mais je le connais bien. L'ennemi dans la glace, ton regard me glace, me veut pas que du bien. Dehors je croise des étrangers, des ombres qui marchent dans le noir. Ce n'est pas d'eux que vient le danger, mais je reconnais chaque soir mon pire ennemi dans ce miroir. Dehors je croise des étrangers, des ombres qui marchent dans le noir. Ce n'est pas d'eux que vient le danger, mais je reconnais chaque soir mon pire ennemi dans ce miroir. Mon pire ennemi dans ce miroir.